En Corée du Sud, les traîtres pro-américains célèbrent le soi-disant centenaire de la 2e division de l'armée américaine stationnant en Corée du Sud, ce qui fait l'objet de la condamnation des habitants de différentes couches. Ces activités, commencées le 10 dernier par un concert commémoratif, se dérouleront, dit-on, jusqu'au 26 octobre, jour de la naissance de la 2e division des forces américaines, et envisagent le tourisme en Corée du Sud des militaires américains retraités, le dévoilement d'un monument symbolisant l'amitié sud-coréen-américaine, etc. À ce propos, le porte-parole de la direction nord du Comité pan-national d'enquête spéciale sur les crimes des troupes américaines a publié le 17 courant une communication pour accuser les célébrations livrées par les conservateurs pro-américains et les comportements des autorités sud-coréennes qui les protègent de trahison caractérisée par la dépendance aux États-Unis et le servilisme à l'égard des grandes puissances et d'absurdité intolérable contrevenant au courant de l'histoire et du temps attaché à l'indépendance. Et de souligner. Les troupes d'agression américaines en Corée du Sud sont la bande barbare des brigands qui ont perpétré pendant plus de 70 ans en Corée du Sud toutes sortes de crimes comme meurtres, vols, viols et d'autres. Nonobstant, les pro-américains organisent le concert consacré à ces meurtriers aux dépens des Sud-Coréens sans savoir ni la colère ni la honte nationale. Tant que les forces américaines stationnent en Corée du Sud et les traîtres pro-américains se conduisent en maîtres, ne cesseront pas les souffrances, malheurs et drames des Sud-Coréens. Pour mettre un terme à ce martyre et recouvrer la dignité et la souveraineté nationale, il faut le retrait des troupes US de la Corée du Sud, auteurs de tous les malheurs. Les Sud-Coréens de tous les paliers sont tenus de voir correctement la nature agressive et barbare des États-Unis qui aiment parler de l'alliance intime et de l'amitié pour déployer plus énergiquement une lutte de masse visant à chasser les troupiers américains et déjouer une fois pour toutes les célébrations du centenaire de la 2e division des forces américaines en Corée du Sud.